Est-ce que tu as trouvé la basse? La basse, c'est ok? T'entends. Each morning I get up and die a little. Can barely stand. Il y a un bug sur le rythme. Jean-Pierre sur cette chanson. On va essayer de trouver un poème. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux. Pour toi, mon amour, je suis allé au marché. C'est quoi ça, c'est le texte de... Dans un square sur un banc. On va faire ça. Un texte de Jacques Prévert. On va faire un texte de Jacques Prévert. S'appelle Le désespoir est assis sur un banc. Dans un square sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Où est-ce que ça, la basse? On va attendre que la basse elle est trouvée. On remercie Jean-Pierre pour les chœurs. Dans un square sur un banc, y'a un homme qui vous appelle quand on passe. Y'a des binocles, il a des binocles, un vieux costume. Ouais, c'est dur à chanter. Bah, je vais la refaire. Dans un square sur un banc, vous appelle quand on passe. Une chanson qui s'appelle Le désespoir est assis sur un banc. Un texte de Jacques Prévert. 1946. Square sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit ninas, il est assis. Il vous appelle quand on passe, ou simplement il vous fait signe. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas l'écouter. Il faut passer, faire comme si on ne le voyait pas, comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer, presser le pas. Si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe. Rien ni personne. Non, rien ni personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Alors il vous regarde et sourit. Et vous souffrez atrocement. L'homme continue de sourire, vous souriez du même sourire, exactement. Plus vous souriez, plus vous souffrez atrocement. Plus vous souffrez, plus vous souriez irrémédiablement. Et vous restez là, assis, figé. Souriant sur le banc, des enfants jouent tout près de vous. Passons, passe tranquillement. Des oiseaux qui s'envolent, quittant un arbre pour un autre. Et vous, vous restez là sur le banc. Et vous savez que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants. Non, vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants. Comme ces passants. Jamais plus vous ne vous envolerez. quittant un arbre pour un autre, comme ces oiseaux. Le désespoir est assis sur un banc, c'était un texte de Jacques Prévert, 1946. Dédicace à toi, Jacques, là-haut, si tu nous entends. Jacques, tu vas nous faire les cœurs. Est-ce que tout le monde est prêt? On va la refaire. On va faire le tube de Jacques Prévert. Mesdames et messieurs, au synthétiseur, il s'appelle Jean-Pierre 31. Il est toujours sur 131. Elle est nulle, la blague. À la basse, il s'appelle Basse. Il y a Johnny des États-Unis et bien sûr il y a Jean-Pierre François. Je ne vous présente pas Jean-Pierre François. Et nous allons faire une chanson, ou nous allons la refaire, c'est une chanson de Jacques Prévert. Une chanson de Jacques Prévert. Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt avec ton synthé? Jean-Pierre, le roi du synthé. Jean-Pierre, le roi du synthé, est-ce que tu es prêt? Jean-Pierre, il a des cœurs maintenant. J'ai un petit problème de tempo là, Jean-Pierre. C'est décalé. J'ai un petit problème de tempo. Bon, je relance alors. Je relance et. Je vous enregistre. Mesdames et messieurs, on repart. Chanson de Jacques Prévert. Cette chanson. je recommence. Parce que j'ai entendu un son qui m'a perturbé l'oreille. Et non, parce que... Attends, je fais après, on fera autre chose. Laissez-moi avec Jacques Prévert. Mesdames et messieurs, donc une chanson de Jacques Prévert qui s'appelle « Le désespoir est assis sur un banc ». Un texte de 1946. Dans un square sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit ninas, il est assis. Et il vous appelle quand on passe, ou simplement il vous fait signe. Mais il ne faut pas le regarder, il ne faut pas l'écouter. Il faut passer, faire comme si on ne le voyait pas, comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer, presser le pas, presser le pas. Et si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe, rien ni personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Près de lui. Est-ce que vous allez vous asseoir près de lui? Alors il vous regarde, il sourit, et bien sûr, vous souffrez atrocement. L'homme continue de sourire, et vous souriez du même sourire, exactement. Mais plus vous souriez, plus vous souffrez, atrocement. Plus vous souffrez, plus vous souriez, irrémédiablement. Et vous restez là, assis figé, souriant sur le banc. Des enfants jouent tout près de vous, des passants passent tranquillement. Des oiseaux s'envolent quittant un arbre pour un autre. Et vous restez là, sur le banc. Et vous savez que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants. Comme ces enfants. Non, vous savez que jamais plus ne jouerez comme ces enfants sur ce banc. Vous restez là tranquillement. Vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants. Que jamais plus vous ne vous envolerez quittant un arbre pour un autre comme ces oiseaux. Comme ces passants, jamais plus vous ne vous envolerez, quittant un arbre pour un autre, comme ces oiseaux. dans le